Il n'y a personne, sonne, sonne le téléphone, phone, phone. Il est tout seul, seul, seul, c'est monotone, tonne, tonne. Laissez-nous un message, sage, sage, après le bip sonore, nord, nord. Et de toute façon, son, son, nous vous rappellerons, pom, pom.